Au cours des derniers jours, la corporation minière Ossisco a déposé auprès du ministère de l'Environnement son étude d'impact sur l'environnement. Alors, on sait qu'Ossisco entend ouvrir cette grande mine à ciel ouvert de plus d'un kilomètre de long au sud de Malartic. On en a déjà parlé à cette émission la saison dernière. On en avait même beaucoup parlé. Il y avait eu des reportages là-dessus. Alors, la firme Genivar a remis le fruit de son travail de plusieurs mois. On attend pour le moment les suites de l'affaire auprès du ministère. On attend aussi les audiences publiques du BAP. Mais on va faire le point sur la situation ce matin, voir ce qu'on y retrouve dans cette étude d'impact. On en discute avec Jean-Sébastien David, qui est vice-président développement durable au sein de la corporation minière Ossisco. Monsieur David, bonjour. Bon matin, Monsieur Laflamme. Monsieur David, alors, je le disais, c'est une étape importante qui a été franchie, beaucoup de travail dans l'élaboration de cette étude d'impact. Donc, on peut dire, avant de parler du contenu même de l'étude, on peut dire que ça avance et que là, le projet vient prendre une nouvelle allure. Effectivement, c'est une étude qui était attendue par l'ensemble des parties prenantes, donc autant la population, autant que nos actionnaires. Nous sommes très, très heureux là, d'avoir pu faire le pas en avant. Étude qui a été réalisée, si vous vous souvenez, nous avions fait 3 rencontres publiques tout au long de l'étude, parce que c'est pas une surprise que nous venons de déposer. L'étude a été préparée de longue haleine depuis la dernière année, et nous avons fait des présentations publiques sur des parties de l'étude pour bien informer la population et prendre le pouls de la population sur certaines questions, certaines préoccupations. Oui. Monsieur David, justement, ces préoccupations-là, on les a entendues tout au cours de la dernière année. Les gens avaient des craintes sur l'environnement, sur le bruit, sur la qualité de vie à Malartic. Et vous dites, là, si on le survole, ce rapport, cette étude, vous dites que le projet, finalement, aura très peu d'impact sur la qualité de vie des gens de Malartic. Bon, principalement, les raisons sont qu'on nous avons adopté le projet grâce aux présentations publiques, grâce aux questions de la population, aux interrogations, grâce à notre présence au sein de la communauté de Malartic, nous avons pu ajuster, placer l'usine à 2,5 kilomètres du centre-ville. Élaborer un mur vert justement pour contrer et répondre aux craintes de la population. Au niveau des poussières, si je tiens à vous rappeler que lors des sondages que Genivar avait fait, la poussière, le bruit étaient les deux éléments qui ressortaient. Le troisième élément était les vibrations également. Donc, par le positionnement de l'usine, par le positionnement également de la zone tampon, du mur vert, on vient d'atténuer ces nuisances. Vous dites donc moins de poussière, moins de vibrations. Pour le bruit, ce sera diminué aussi. Quels sont les impacts de cette mine-là? Parce que c'est quand même un trou de plus d'un kilomètre de long. Quels seront les impacts sur la faune, la flore, l'environnement en général? Bon, nous avons positionné la fosse et les installations minières justement sur le site, d'anciens sites déjà perturbés. Donc, on positionne le parc à résidus, les installations sur 4 anciennes mines. Donc, déjà, il n'y avait pas de forêt. Les inventaires au niveau de la faune, de la flore, il n'y a aucune espèce qui a été identifiée comme étant une espèce protégée. On croit, pour avoir déposé le site minier à cet endroit-là, c'était le meilleur endroit possible. Au lieu de se placer à l'ouest géographiquement, si on se situe, si on aurait placé des installations ou une partie des installations à l'est à l'ouest du chemin du lac Fournière, et là, on aurait pu avoir des critiques au niveau des impacts, mais là, on vient de s'installer sur 4 anciens sites miniers. Voilà, donc, selon vous, c'est le meilleur emplacement et le maximum est fait, ça c'est la position d'entreprise, le maximum est fait pour limiter les effets négatifs sur la population, c'est ça? Exact. Donc, nous avons présenté tout au début du printemps, au début de l'été, à la fin du printemps, des vidéos qui sont disponibles sur le site web, également à notre centre de relations avec la communauté à Malartic. Les gens peuvent voir aussi des photos simulations à la dernière année, à la 15e année, parce que c'était une question qui nous était posée. Donc, nous avons... Les photos simulations, M. David, c'est toujours... Enfin, on montre toujours un joli paysage et enfin, des fois, les mines n'ont pas tout à fait l'air de ça, si vous me permettez le commentaire. Je vous dirais bien franchement qu'avec les technologies d'aujourd'hui, avec les logiciels que nous avons utilisés, vous voyez le parc à résidus les plans que nous avons conçus. Donc, et donc, c'est fidèle, selon vous? C'est exactement ce que nous souhaitons voir et ce que nous avons prévu dans notre budget à construire. Alors, on va regarder ça. Monsieur David, il y avait les membres du comité de vigilance qui ont dit au cours de la dernière année, si vous faites une étude des impacts environnementaux, pourquoi ne regarderiez-vous pas aussi les impacts sur la population, les gens qui doivent être déplacés, ce que ça va changer dans leur vie? Est-ce qu'on retrouve ça dans l'étude d'impact? Ça a été réalisé. Vous avez une étude sur le milieu humain. Je vous invite à regarder encore une fois sur notre site Internet. Nous avons un rapport sectoriel sur le milieu humain qui est même assez volumineux. Et nous avons également un chapitre complet sur l'aspect humain de notre projet. Donc, c'est quelque chose qui nous avait... c'est quelque chose qui avait été demandé par la population. On sait que nous avions eu des lettres du gouvernement qui nous mentionnaient que la portion relocalisation ne faisait pas partie de l'étude d'impact, mm-hmm. mais nous l'avons quand même mis dans l'étude d'impact. Alors, donc, reste à savoir. Vous avez un chapitre et vous avez un rapport sectoriel. Oui. Reste à savoir maintenant si ça va vraiment rassurer les gens, calmer les opposants ou les oppositions. On le verra. On va entendre, en tout cas, l'un des membres du comité de vigilance dans un peu plus de 20 minutes à cette émission. Silencieuse et ça sera un travail de terrain qui restera à faire de la part de nos groupes de relations avec la communauté. Les sondages nous l'indiquent. Nous savons que nous avons peut-être une petite partie de gens qui sont encore à travailler, à leur expliquer, à leur faire comprendre. D'ailleurs, on avait invité M. Saussier à venir voir de quelle manière qu'on pouvait concevoir les plans de fermeture au Québec et pour cette mine-ci. L'invitation est toujours là. Parce que on a un souci de transparence et on vise à ce que l'ensemble de la population comprenne ce que l'on fait. Ouais. Et il n'y a pas de cachette. Et selon vous, ça va rallier la majorité? Écoutez, la majorité silencieuse, on sait qu'on l'a. Bon. Monsieur, en un mot rapidement, parce qu'il faut refermer cette entrevue, Monsieur David, cette étude-là, elle a été réalisée par Genivar, payée par vous, mais maintenant, le ministère doit l'étudier et l'entériner afin que ça devienne l'étude officielle, si vous voulez, là, entre guillemets, pour qu'on comprenne bien, afin que ça devienne l'étude officielle d'impact de cette mine-là. Oui, nous devons obtenir une recevabilité de la part du gouvernement. Et ça, c'est en cours. Ça sera suivi par les audiences du BAP. Exactement. Et ça, on peut s'attendre à ce que ce processus-là soit complété dans quel délai, M. David? Écoutez, lorsqu'on remet le dossier aux membres du BAP, au comité du BAP, on souhaite des dates, mais on n'a plus le contrôle de l'opération. Ce qu'on regarde, et nous avons rencontré le gouvernement la semaine dernière lors du dépôt, et on regarde un calendrier pour avoir un décret avant la fin de la session parlementaire À la fin, au début de l'été prochain, à la fin du printemps. Monsieur David, alors, nous, on a parcouru cette étude d'impact. Évidemment, dans le contexte de cette entrevue, on a qu'effleuré les sujets. On peut dire aux gens, peut-être, où aller consulter les documents, du moins les faits saillants de l'étude d'impact? L'ensemble des documents. Donc, l'ensemble des documents qui ont été déposés, donc les 12 rapports sectoriels, en plus du rapport économique et le rapport principal de l'étude d'impact, sont disponibles sur notre site web au www.ossisco.com. Également, une copie papier est présente à notre centre de relations communautaires. Jean-Sébastien David, vice-président développement durable auprès de la Corporation minière Ossisco. Merci beaucoup.